simil caresse, medicinae professoresse, qui hic assemblati estis. Et vos altri messiores, antasiarum facultatis, fideles, executores, chirurgiani et apothicari, atque tota compagnia aussi. Salus honor et argentum, atque bonum appetitum. C'est pour cela que nunc convocati estis. Et credo quod trovabitis dignam materiam medici in savanti homine que voici, lequel in chosis omnibus dono ad interrogatum et a fond examinandum vestris capacitatibus. Dominus praeses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres, très savanti bachelieru, quem estimo et honoro, demandabo causam, et rationem quare opium facit donare. Dormire? Dormire? Mia docto doctore demandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo, quia est ineo virtus dormitiva, cujus est natura sensus et soupire. Actis, compagnie assistantis, demandabo tipi, docte bacheliere, quae sunt remedia, quae in maladia dite hydropisia convenit facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuite purgare. Non vult se guerire. Quid illi facere? Clisterium donare, postea segnare, ensuite purgare, resegnare, repurgare et reclisterisare. Bene, bene, responde. Dignus, dignus, estatare. Statuta per facultatum prescripta, cum sensu et jugemento. Juro! Essere in omnibus consultationibus, anciani aviso aut bono aut mauvaiso. Juro! De non jamais te servire de remedis aucunis, quam de ce seulement, docte facultatis, maladus dutil crodare et mori de suo malo. Juro! Ego, comisto boneto, virabili et docto, dono tibi et consedo, virtutem et puissientiam, medicandi, curgandi, segnandi, persandi, Aiandi, Cupandi, et Occidandi, impune per totam terram. Grandes doctores doctrinae de la rhubarbe et du séné, ce serait sans doute à moi chose affola, inepta et ridicula, et si j'allois bam m'engagerai vobis louanges donnerai, et entre pronoua bam adjoutare des lumières à son soleil et des étoiles à son cielo, des ondas à l'océano et des rosas au printano, natura et patermeus, hominem me habent factum, me vos me, ce qui est bien plus, avetis factum medicum, honor, favor et gratia, qui in hoc corde que voilà, imprimant ressentiment, qui dureront in secula.